9-3, tu peux pas test. 9-3, tu peux pas test. 9-3, tu peux pas test. 9-3, tu peux pas test. 9-3, tu peux pas test. 9-3, tu peux pas test. 9-3, tu peux pas test. 9-3, tu peux pas test. Ok, le périph' sort fort de la filette. Mais la centrale est fait belette au vol à la portière. La vengeance est un plat qui se mange givré. Renoir, je suis déterminé comme ce petit d'aubert au crochet. Silhouette à la craie de mec flingué sur le coin d'une rue. Nos pierres rancunes sont réglées grâce aux 1000 cm3. À part couler, à quoi sert le sang de mes frères? J'ai trouvé la clé du crime sous le paillasson de la misère. La paillette a brûlé sous les feux de ma rage. Les photographes du Star System sont la stup et sa brigade. Autographe en concert, la bigrave pour survivre. Négro quand la balle a sifflé, il n'y a pas de choisir pour revenir au fait. Si l'hiver gèle mes haricots, mon ciel d'été aura désert de novembre. Les mystères d'un mal ancien, tu me diras. Normal qu'il y ait un trou dans la caisse si j'ai refroidi le comptable. Mon combat, c'est qu'on n'oublie jamais qu'en Afrique, cela s'armit. Il n'y aura pas de riz ce soir pour les familles démunies. Non, dis-moi comment fermer les yeux sur tout ça. J'ai des cousins au bled partis trop tôt par manque de CFA. J'aimerais vous dire que j'ai mes disques de platine, que j'ai mes villas. Une en ville, une autre village. Oui, j'ai grandi parmi le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Calcène et le Mali. J'aimerais vous dire que j'ai mes disques de platine, que j'ai mes villas. Une en ville, une autre village. Oui, j'ai grandi parmi les Indiens, les Arabes, le Maroc et les Antilles. La fesse ne fait que se dégrader. Peut-être que c'est le chétan qui nous a charmés. J'oublierai jamais les banlieues qu'on brûlait. Peut-être que cette fois-ci mon gros j'irai voter. Non, la fesse ne fait que se dégrader. Peut-être que c'est le chétan qui nous a charmés. J'oublierai jamais les banlieues qu'on brûlait. Peut-être que cette fois-ci mon gros j'irai voter. Se méfier de son talent est le premier pas du mérite. Si tu viens dans mon 9-3, c'est à tes risques et périls. Ce qui est violent n'est pas durable. Un bruit de bécane pour qu'une poussière de secondes plus tard. Je ne vois que des larmes. Le crack fait des ravages. Le périmètre est fatal. Mais nique sa mère. Sarko nous rend la vie infernale. Des journées entières dans le hall à enrichir les puissiers du coin. J'suis pas un chien, cousin. Dieu merci, j'ai fait du chemin. Les allumés du crâne ont mal pris la pénurie de hashish. C'est la nuit dans nos vies. Même quand le soleil brille, place cramée sur la centrale. C'est mort pour la paire de Air Max sur un T-Max qui monte sur Opéra. Tu paieras mal MC, pour moi tu ne dis rien de vrai. Les frelots qui priment trop, je trouve qu'ils n'ont rien de crête. Original Kaira, en mode voyou, comme il sert à rien le commissaire. On prend ça comme sur chaque passe. Tape une esquive si des faux frères désirent t'engrainer. Quand c'est mon heure de perquer, c'est ton heure d'aller taffer. Patrimoine du ghetto, enflamme ta ville comme une traînée de poudre. Loin des groupes pilotes, d'indépendance tour. J'aimerais vous dire que j'ai mes disques de platine, que j'ai mes villas. Une en ville, une autre village. Oui, j'ai grandi parmi le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Calcène et le Mali. J'aimerais vous dire que j'ai mes disques de platine, que j'ai mes villas. Une en ville, une autre village. Oui, j'ai grandi parmi les Indiens, les Arabes, le Maroc et les Antilles. La fesse ne fait que se dégrader. Peut-être que c'est le chétan qui nous a charmés. J'oublierai jamais les banlieues qu'on brûlait. Peut-être que cette fois-ci mon gros j'irai voter. Non, la fesse ne fait que se dégrader. Peut-être que c'est le chétan qui nous a charmés. J'oublierai jamais les banlieues qu'on brûlait. Peut-être que cette fois-ci mon gros j'irai voter. Non, 9-3 tu peux pas test. 9-3 tu peux pas test. 9-3 tu peux pas test. 9-3 tu peux pas test.